1836, activation, dictée. Écoutez et complétez. Vous entendrez le passage deux fois. Nous voici comme ça. Tu vois. Tu ne vas jamais à la fac? Si, quelquefois. Mmh. Mais pas aujourd'hui. Nous voici comme ça. Tu vois. Tu ne vas jamais à la fac? Si, quelquefois. Mmh. Mais pas aujourd'hui.